Frères et sœurs, bonsoir. Nous vous apportons la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous comptons pour privilège nous gagner, pour nous retrouver nous encore. Et nous toujours dit, chaque fois que qu'on est nous labotable là, ça fait que nous remplit la joie bon côté nous hier. Et à soya, nous prêts à aller et rapide dans d'un message là. Pour qu'on soit capable de couvrir le maximum de ça nous pour nous, pour que nous avancions dans le programme noir pour semaine. Nous voulons remettre l'audience là à l'influence du Saint-Esprit, qui lui-même c'est notre professeur, c'est lui-même qui gagne des paroles qu'il est capable de battre nous et paroles sérieuses pour changer constamment et complètement ça, il a besoin de changer dans le cœur. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons pour le privilège de nous gagner, pour nous capables, autour de la table ce soir, avec parole à la main, nous, que nous ouvrions, nous prêts pour nous tendre ce regain pour nous. Nous demandons, Papa, pour éclairer nous par ton Esprit Saint, afin que chaque mot que nous pourrons utiliser tourne en semence et que chaque cœur qui a pu se voiler joigne un terrain préparé et que parole ça a apporté le fruit que vous-même ouvrez pour bonheur chaque petit tout dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous avons commencé à parler de l'importance que l'homme jouait dans la famille, nous gagnons devant nous une image qui montre nos fondations, mais l'homme, c'est lui-même qui sent ses fondations. Le nous dit, il est la tête, nous avons le texte là, qui dit nous que l'homme est la tête de la femme, Christ est la tête de l'homme et Dieu est la tête de Christ. Mon tête là, nous te travaillons hier soir ensemble, nous te ouais que l'Ivre dit, c'est censé lui-même qui gagne responsabilité. Pour qui raison? Pas parce que les plus important, mais tout simplement parce que lui t'es là en premier. Donc lui c'est premier, monde qui l'a dans zone là. Moun ki la, donc qui gagne responsabilité pour guider tout l'autre qui vini yo. C'est principe là pour nous comprendre. Donc la tête c'est tête de liste, nous capable essayer comprendre ni comme ça. C'est tête en fait de tête de liste, ça veut dire lui-même qui l'a en premier. Et nous dit regardez même image qu'elle là. Donc tête là c'est pas toiture là, mais tête là c'est fondement, c'est fondation. Ouais. Et le nouvelé joigne sous fondation, hein, sous famille, hein, nous obliger à aller pour nous ouais l'homme là. Et nous pouvons rapidement comprendre ça à soya. Nous souhaitons nous préparer nous pour que nous capables avancer ensemble pour nous arriver côté nous voulons arriver. Hein. Nous t'ai abordé un sujet important hier soir concernant l'homme et texte là de descendre plus bas. L'été dit nous dans 1 Corinthiens 11, verset 7, que l'homme est la gloire et l'image de Dieu. C'est sous point ça, nous t'étais hier soir. 1 Corinthiens 11, verset 7, a dit nous, l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Nous t'étais déjà qui sa image là y est. Et nous commençons à étudier la gloire. Nous voyons le mot gloire là. C'est un mot qui voulait dit beaucoup de choses. Nous t'ai commencé à rentrer la donne et nous t'ai allé dans grec là d'abord, nous ouais grec là doxa, lui voulait dit la condition la plus glorieuse, l'état le plus élevé. Nous ouais c'est opinion, jugement. Et nous dit chaque fois que yon garçon campé ou côté, tout le monde dans zone là doit immédiatement gagner une opinion de bon Dieu. La nature, Somme 19 dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. La nature racontait la gloire de Dieu. Mais ce qui est différent, c'est que l'homme lui-même est la gloire de Dieu. Bon, vous faites nuance là pour nous comprendre. Les cieux, la nature racontent la gloire de Dieu. Mais l'homme est la gloire de Dieu. Et nous allons comprendre immédiatement que dans ce ordre d'idées, et c'est là pour nous comprendre, bagaille là, soyez pour moi, puisque l'homme est la gloire de Dieu, la gloire, c'est la manifestation qui ça, bagaille là, y est dans vrai sens. L'homme prend yon fleur. Dans sa gloire, c'est le fleur a ouvert ou ouéli. Donc c'est le fleur et qui tout fermé, mais après quelque temps où le fleur a ouvri, le ça où est manifestation gloire fleur là. Eh bien l'homme est la gloire de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu. Là nous arrivons dans hébreu, hein, nous jouons le mot gloire là, c'est le mot kavod. Mot ça veut dire gloire, honneur, abondance, richesse, splendeur, dignité, réputation, révérence, trésor, majesté, noblesse, magnificence. Frères et sœurs, madame, où est Marie qui est dans la là? Mais ça, la Bible, relève Marie là. Un homme qui est conçu dans la gloire, qui est couronné par la gloire et qui vive dans la gloire. Mais ça, Marie là. L'homme est la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, la richesse de Dieu, l'abondance de Dieu, la dignité de Dieu, la révérence de Dieu, le trésor de Dieu, la majesté de Dieu, la magnificence de Dieu. Ouais, texte l'a dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est kavod là ça. Dans racine là, dans verbe là, kavad, il signifie être lourd. Être pesant, être douloureux, dans le sens l'illusudum, être dur, être riche, être honorable, être glorieux, être onéreux, être honoré, jouir d'honneur, obtenir gloire et honneur, traiter avec honneur. Mais ça, bon Dieu, présenté comme l'homme. Kavod, ça, la gloire, c'est l'expression totale de sa bon Dieu, la personnalité de Dieu, la nature de Dieu, et c'est l'honneur de Dieu, la dignité, la réputation de Dieu, c'est ça mot kavod là en hébreu, mot gloire là. Donc l'homme est né dans la gloire, créé dans la gloire, conçu pour vivre dans la gloire. Et quand Jésus vint, Jésus avant l'aller, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, l'homme est conçu pour vivre dans la gloire. Mesdames, si gagnez yon bagay que vous ka fait pour faire bon Dieu plaisir, c'est traiter l'image li, Mario, avec honneur. Mesdames, ou assoyez pour nous mieux. Si gen yon bagay nous capable faire pour nous faire bon Dieu plaisir, c'est traiter Mario avec honneur. Nous imaginez nous kounya ou même madame qui campait devant Mario ou a dit des mots sales. Sans pas rendre compte que tu es en train de t'adresser à la gloire de Dieu. Mesdames, l'homme est la gloire et l'image de Dieu. Meilleure façon qu'a fait bon Dieu plaisir, c'est traiter image li, l'homme, ton mari, petite, traiter papa avec honneur et gloire. C'est une Non, et nous pas comprendre pour qui raison les hommes sont ciblés parce que on entend nous. Si l'homme est la gloire de Dieu. Si l'homme quel que soit côté le passé, c'est la manifestation de Dieu. Si besoin atteindre bon Dieu, pas gain l'autre moyen pour me faire que atteindre l'homme que me capable toucher à. Parce que l'homme touche l'homme que moi a, me touche bon Dieu que me pas ouais. C'est pour ça que Jésus pral dit toutes les fois qu'on fait à yon piti, yon ki pi piti paso, c'est avec mon fait. En un mot, pour joindre bon Dieu, ou obligé joindre image li, et l'image li, c'est lui-même encore. Mesdames, m'insister sur ça soya. Puis meilleure façon que vous-même ou capable honorer bon Dieu, c'est traiter Mario avec honneur. Honneur là, le rendre plus devant, nous pouvons le comprendre, c'est respect. Honorer Mario, c'est plus gros geste qu'on a fait pour montrer bon Dieu qu'on remèle. D'ailleurs, le rendre dans le commandement, nous pouvons le voir, tout ça m'a fait pour Maria, faut me faire dans le Seigneur. En un mot, moi toujours ouais derrière le Seigneur. Nous t'ai lu hier soir et Jérémie 10 23 qui dit derrière tout homme, il y a un Seigneur. Alors, tenez bien ça. L'homme est né est conçu pour être dans la gloire. Regardez Psaume 112 pour nous. Psaume 112. Dans Psaume 112, il dit, celui qui craint l'Éternel, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui trouve son plaisir dans ses commandements, il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice ne faiblit jamais. Psaume 112, nous toujours dit nous, mesdames, qu'aimez ça pour moi? Prends Psaume 112 là, comme profil Mario. L'on prier, pas juste dire n'importe parole sous Maria. L'on prier Psaume 112 sous Mario. Qu'aimez Psaume 112 là? Écris-le, mettez-le côté dans le cas là, pour toujours sous lui. Présentez-le. Comme ça pour Mario, mais j'aime vouloir Mario m'vini. L'on va prier, confesser. Ça c'est profil tout homme qui craint l'Éternel. Psaume 112. Pas oublier ça non, assoyez mesdames. Méditez psaume ça, lis-le, confessez-le, dis-le dans bouche nous, répétez-le dans cœur là, répétez-le jusqu'à ce que lui établi. Parce que plus Mario traité comme un roi, c'est plus ou même ou traité comme un reine. Wow. Plus Mario gagne honneur comme un roi, c'est plus ou même, et nous pas comprendre ça plus devant, parce que texte l'a dit, la femme est la gloire de l'homme. Gloire pour là, mesdames, li connecté avec le garçon. Non, on va commencer par content avec la Bible, là, oui, là, parce que nous tellement gain l'autre information qui voulait pour nous faire affaire nous pour col nous, qui voulait nous prendre dans direction nous voulait pour col là. Là, nous quitter principe Éden. L'homme est la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. Quel est le principe ça? Et nous parlerons de nous compte. Nous disons ça déjà. Bon Dieu, plus grand passé nous, le plus intelligent passé nous. Et si nous prenons temps pour nous faire, ça le dit nous faire, je le dis nous faire là, il est toujours à plus bon pour nous. Monsieur, guide mesdames en réponse, on nous font parler garçon à garçon. L'homme est la gloire et l'image de Dieu. Messieurs, assoyez à méditer sous parole ça. Je suis la gloire de Dieu. Quel que soit côté me paraît, bon Dieu paraît là-dedans. Ou imaginez leur sortie. J'ai tout petit monde à attendre papa. Le papa vini, tout le monde content. Yeah, papi est là. Parce que papi a porté yon quiétude d'esprit, yon sécurité. Madame là, le mari le rentré, li en paix. Nous songeons, nous parlons de lion. Lion n'a pas rugi sous petite li. Li pas rugi sous lion, madame li. Mais le lion en rugit, il rugit toujours en direction de forêt, en direction de jungle. Donc toute l'autre bête tendait cri lion. Et le lion en criait, tout petit monde lio, petit lio, les lionceaux, yo senti yo en sécurité parce que cri papa, lui fait tout l'autre monde peur, lui-même lui fait yo prend confiance en sécurité. Alors messieurs, on va méditer sur ça à soya. Je suis la gloire de Dieu. Le me rentrer dans Kaila, bon Dieu paraît. Le me rentrer dans travail là, bon Dieu paraît. Le me rentrer dans zone là, bon Dieu paraît. Je suis la gloire de Dieu. Et ça vient faire qui ça? Moi ça dit tout à l'heure, hein? Si gagne yon moun pour me cibler ces garçons. Hein? Parce que c'est lik fondation. M'di non si fondation en fissuré, villa condamné toute kaille là. Eh bien garçon vin tourner yon cible. Même montrer non bagay. Gagne yon mot que yo rele le progéniteur. Garçon wan, c'est lui même qui progéniteur. Progéniteur a sa lié. Pro wa, c'est support, géniteur ou gène nan la donne. Ça veut dire qu'aimer ça, mesdames. Et qu'aimer tout nous-mêmes, monsieur. Kounia ça avait, nous besoin de parler, monsieur. Qu'aimer ça. En tant que progéniteur, ça veut dire, quelle que soit qualité, monde que m'pral gagner dans la ville, là, il dépend de garçon, wa. Parce que gène, gène signifie qualité, il signifie personnalité, il signifie type. Donc, quel que soit type de monde que m'gagne dans la zone, quel que soit personnalité m'gen en zone, quel que soit qualité moun m'gen en zone, ça dépend toujours de garçon. Oh! Parce que ouais, mot sperme là en grec, c'est le mot sperma qui signifie semence. Donc garçon, c'est lui-même qui portait gène, qui portait semence là. Qui gagne là lui-même postérité. Donc, quelle que soit situation dans la zone, il dépend de gène, il dépend de garçon. Donc, si je monte chaîne, je sorti dans la femme, je prends mariage, je prends petite, je prends famille, je prends communauté, je prends nation, je prends le monde en général. Tout ça dépend de l'homme, du garçon. Donc, type de garçon qui est dans la zone, c'est type de femme que je vais gagner parce que jeune femme sont dans le garçon. Mariage qui va le construire dépend de garçon. Donc, si monde qui va le faire, va dépendre tout de garçon. Donc, ça me donne des familles, et les familles me donnent des communautés, des nations, mais à la racine, tout ça dépend de garçons. Mais si nous voyageons, nous allons voir un bagaille, et nous allons faire nous compte pour qui raison. Messieurs, à la statistique, nous allons voir une crise. Gardez pour nous un bagaille. 92% de monde qui est en prison, c'est garçon. 82% moun ki fè homicide, c'est-à-dire moun ki touye l'autre, yon frèli, c'est garçon. 83% des divorces causés par infidélité garçon. 97% des incestes garçon qui allaient abuser petit yo sexuellement, c'est garçon. 74% des jeunes filles qui enceintes sans yon pas marié, yon enceintes toujours par un garçon. 85% des violences domestiques, c'est garçon. 83% des abandons, moun ki kite kay la, kite timoun yo, c'est garçon. 82% moun ki nan gang de rue, c'est garçon. 88% des dealers de drogue, c'est garçon. 83% de tout crime qu'a perpétré, c'est garçon. Donc, gros problème. L'homme, c'est la gloire de Dieu. Et souvent, j'ai ou pas loin que toute majorité, tout gros problème, yo causé par garçon. Donc tout problème garçon yo, attitude garçon yo, comportement garçon yo, fait que les foyers brisés, fait que gagne crime, fait que gagne violence sous nan famille, gagne viol, gagne abus des enfants, homicide, gang de rue, attitude, activité garçon yo constitue la base même de la pauvreté dans beaucoup de pays. Grand problème là. Et problème non, c'est bon Dieu gagne la cunia parce que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Ça veut dire chaque côté un garçon campé, c'est bon Dieu ouais. Donc qui ça image la bombe là? Image la bombe, c'est bon Dieu qui est en prison. C'est bon Dieu qui a tué une lot. C'est bon Dieu qui n'a infidélité. C'est bon Dieu qui n'a inceste. C'est bon Dieu qui a pensé une jeune fille. Parce que l'homme représente la gloire de Dieu. Je dis non, si gagne un monde pour m'attaquer, si j'ai besoin d'attaquer bon Dieu, c'est pour essayer de fouiller doit être un garçon. Parce que dès que m'retire image garçon, dès que m'atteigne bon Dieu tout. Et c'est là, mes frères, mes sœurs, côté piège là, malheureusement, moi dis nous tomber dans piège ça. Satan prend l'utiliser tout moyen pour l'atteindre garçon yo. Et un plus gros moyen Satan utilisé pour l'atteindre garçon yo, c'est fille. Malheureusement, depuis l'Éden jusqu'à aujourd'hui, Satan, pis gros outil que le pouvoir l'utiliser pour le détruire, garçon. Et, bon, dis-nous, c'est pas c'est ça qui est important pour Satan, c'est pas détruire, garçon, c'est pas ça qui est important pour lui. C'est ça que derrière, garçon. Ça, garçon, on représente, l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Donc, si m'atteigne la gloire, si m'atteigne l'image, m'atteigne bon Dieu lui-même. Donc c'est pour ça, garçon ciblé, et nous, si nous regardons monde là, nous pouvons voir le monde là, virer tête en bas parce que garçon voulait chercher, changer, il n'y a pas voulu garçon encore. Donc nous imaginez-nous à qui niveau malin a attaqué parce que l'homme représentait la gloire de Dieu. Et qui ça, la société offrit garçon yo finalement, li offrit des prisons. Et chaque fois, un garçon sorti dans une famille, là, caché derrière un barreau, il a le fermé derrière un barreau, nous imaginez nous, qui vide, qui était en dedans kaila, qui vide dans cœur timounio, qui vide en dedans famille là. Et non seulement ça, prix que yon prisonnier coûte pour qu'un bel en prison par an, c'est prix capable bay tout ti moun nan zon nan et éducation. Plus de, alors chiffre ça, l'homme de gen la kounyal capable monter en plus, pour plus de $113,000 par an pour loger et nourrir yon prisonnier fédéral. Plus de $113,000 par an pour loger un prisonnier. Et prison yo bourré de prisonniers. Frères et sœurs bien-aimés, à ce moment-là, je voulais identifier problème, toucher du doigt problème. C'est pas juste là nous nan non nan ti chicane hing hang avec Marie ou madame non non gagnen yon bagay ki pi loin. Jérémie 10 23 dit derrière gagnen yon force capable. C'est là pour nous identifier. Maintenant, l'on ka identifier force là, nous capable attaquer vrai ennemi hein, pour nous délivrer famille nous, délivrer Marie nous pour que li représente exactement ça le représente ya. La gloire de Dieu. Messieurs, en soya, nous voulons méditer sur ça et retourner sur lui. Parce que tout ça qui est nécessaire pour guider famille, lui construit dans l'homme en tant que fondation. Depuis l'homme ou atteint et ou fissuré fondation, mais tout caille là pour écraser. Imaginez-nous tout poids sorti sous garçon parce que garçon en parle là l'abandonner caille là. Maintenant tout poids vient tomber sous dos fille et fille ado li pas capable encore. Donc on sujet nous va le traiter plus devant qui montre nous des femmes abusées, des femmes qui pas capable encore, des femmes qui finalement révoltées pour qui raison? Parce que tout poids, c'est comme si moi tirer fondation hein, et qu'on y a metté tout poids qu'elle là sous mur, sous chambre là, sous fenêtre yo. Donc naturellement l'a effondré parce que les pas gagné répondant qui pour Kimbel. Dis-nous chaque fois que bon Dieu crée yon monde, yon gens, c'est parce qu'on connaît que moun nan sal ka supporter par rapport à sal gen pour le faire. Mes frères, assoir la Kimbel ça pour moi l'homme est l'image et la gloire de Dieu. C'est pour ça le cibler comme ça. Le cibler dans toute guerre, le cibler dans tout pays. Parce que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Si comprendre ça, si m'attaquer l'homme, m'attaquer bon Dieu. Messieurs, Proverbe 20 verset 25 dit c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Donc, mes frères, pas rentrer dans mariage là, je m'adresse à vous, jeunes gens, pas rentrer dans mariage là, comme ça. Pas rentrer comme ça, parce que où pral représenter la gloire de Dieu, et Dieu est amour, et toute mission pendant qu'on pral marier, hein, son mission sacrée qui pral représenter devant chaque timonio, devant madame mon, ça y est l'amour de Dieu. Parce que moi, dis-nous déjà, nous tellement gagnons une série de mauvaises représentations de l'amour. En pile crime fait au nom de l'amour. En pile monde mourit au nom de l'amour, alors que Dieu est amour. Donc, amour là pral vin contrefait amour là by des faux mamites, des amours chrysocales, c'est pas bon là hein? Et ça va venir faire que nous-mêmes si nous rentrons tout simplement comme ça dans mariage là nous pourrons faire plus de tort que de bien. Message moi assurer son message de repentance. Repentance là on veut dire qui ça ou est cotoyé. Et pour dire, bon, là, m'pap avancé dans mauvais chemin ça encore, et m'décide casser tête moi tout nain pour mal prendre bon chemin. Les repentances pour nous, mesdames. Parce que j'en ai traité Marino, j'en ai parlé à Marino, sans nous pas rendre nous compte, n'a glorifié Satan. Parce que qui ça Satan voulait? Satan voulait, ou étirer toute gloire pour bon Dieu. Or, la Bible dit clairement, l'homme est la gloire de Dieu. Donc, si nous pouvons dénigrer Mario, l'on comprend que, bon, il fait mal, mais moi, dénigrer, oui, je suis content, dénigrer, mais son parent nous compte. Satan est heureux qu'on fait ça parce que, on a fait gloire, lui. Toute gloire, lui, c'est retirer, ça représenter gloire, mon Dieu. Avant dit par Marou yon mot à soya. Mettons vèd l'eau dans bouchou. Pas valer le pas jeter. Nous connaissons ce principe ça. Avant dit une parole. Parce que sans pral dit, li verset ça pour moi. Proverbe chapitre 30, verset 32. Proverbe 30, 32. Il dit, si tu as de mauvaises intentions, si tu es fou d'orgueil, mets la main sur la bouche. Ou une mauvaise intention, ou un bagay qui a passé dans tes tout là, ou envie d'un bagay, mais son mauvais bagay lié, mettez doigt tout sous bouche. Proverbe 30, 32. Mets la main sur la bouche. Parce que son pral dit, ou capable glorifier Satan. L'on pense qu'on pral piquer Mario. Oui, on va piquer, c'est vrai. Mais on va piquer qui est-ce? La gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Dieu. Regardez pour eux. Au bon petit monde qui levait, qui j'en ai levé? Il a levé avec mot ça, yo. Tu n'as pas de valeur. T'es un vaurien. C'est toi le problème. Je n'ai plus besoin de toi. Tu ne seras rien. Tu t'adresses à des hommes ici, la gloire de Dieu. Donc, l'on est, ou un petit tout, qui font bagaille, ont fâché, et vous commencez à dire, t'es un vaurien. Tu t'adresses à la gloire de Dieu. Or, faut connaître que mot vaurien, hein, c'est mot qui traduit exactement situation Satan. C'est seul Satan, la Bible, les vauriens. Dans Ézéchiel, texte là dit nous, tu ne seras jamais rien, t'es un vaurien. En parlant justement de Lucifer. Maintenant, l'on dit petit tout, ou son vaurien. L'on dit Marie, ou son vaurien. Ou glorifier exactement le vaurien, parce que c'est lui le vaurien. Oh, soyons là pour la repentance. La repentance, c'est changer. Changer mentalité. Et des mentalités à changer, bouche l'a changé tout, parole l'a changé tout. Veillez. Pas dit timoun ou n'importe qui bagaille parce que sort de là li pral déterminer justement gentimoun n'a pral vivre. N'a tourné sous sa pied devant. Alors nous retournons l'homme est la clé de Dieu pour le succès de la famille humaine. Si besoin ranger famille. M'a parlé avec kounya responsable famille dans l'église yo. Si nous besoin ranger famille yo, essayez contre qui Jean garçon yo a vivre. Essayez des programmes pour nous consolider garçon yo. Essayez des programmes pour nous faire garçon yo comprendre ça yo yé. Entrez dans Bible avec yo pour yo connaître qui ça yo yé, pour yo connaître, on va le traiter puis devant, comment garçon en pral connait source li. Pour garçon en connaît source li. Parce que il est fait pour vivre dans la gloire. Et si gen youn nan bagay société ça a fait, c'est justement mettre garçon yo dans des situations côté pas gen aucune gloire. Et ça vient bay quoi? Ça vient bay des hommes frustrés. Ça vient bay des hommes qui révoltés parce que en dedans yo c'est la gloire, mais dehors c'est n'importe qui bagay. Et gon belle type phrase donc on dit oui et belle type parole qui dit et il n'y a pas de saut métier. Non, il n'y a pas de saut métier, mais une série de bagailles que moun n'a fait, li pa fait pour li. Et texte là bien dit des saut métiers, mais c'est pas des jobs, c'est le job n'a fait qui pa métier non. Pas gain saut métier, mais gain des jobs qui sautent. L'homme est né pour vivre dans la gloire. M'a fait nous remarquer un bagaille. Mon série de garçons qui t'a vivre dans côté que t'a vivre là, il t'a vivre dans la gloire. Et le ça, il t'a travaille avec honneur. Yo, et avec madame yo, c'était la douce qui vient qui naît. Bon bagaille. Oh, maintenant, pour des raisons raison sécurité, raison besoin, l'autre situation dans la vie, nous déplacer. Et là, nous déplacer, ça nous, ouais. Bon, là, nous arriver, nous dit, bon, ça ne dépensait assez pas ça. Qu'on y a, bel timo à venir, nous obliger. Non, obliger à le faire n'importe qui bagaille, et qui sacrifie le travail là, l'honneur de l'homme est perdu. Et qui sacrifie passé? Arrivé un certain temps, nous, ouais, crise l'apparaît, c'est comme si t'as dit qu'on y a négio explosé. C'est pas que vous paraissez encore, mais c'est que en dedans yo c'est la gloire. Mais de yo, dans l'environnement où mette yo, dans l'ambiance où yo parle gloire là. Donc, finalement, révolte la fête en dedans, et malheureusement, Kyle a payé ça. On dit, mais comment lié, oui, mais, et la caille, nous, voilà qui j'en taillé, son nègre qui était vraiment prend même famille, prend soin de Timouni, mais depuis une rivée ici, il y a gros problème qui passait, mais ça qui passait, parce que l'homme est né pour vivre dans la gloire. Et quand il est dans la gloire, sa maison est remplie de richesses. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et à partir de ce moment, pas de conflit encore, parce que Kaila a coulé, dehors Kaila a coulé, la bénédiction coule. C'est principe, bon Dieu, à ça. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés à soyer, identifier côté ennemi, hein, et vrai ennemi. Hein. Pour que nous suspendons, à déchirer nous. Hébreu pral dit nous. Et si nous restons dans hing hang comme ça, finalement, nous avons dévoré l'autre. Et quand nous arrivons dans le niveau ça, nous arrivons à glorifier le diable. Frère, à soi, il est important pour nous connaître qui est-ce nous. Si nous voulons connaître qui distance nous gagne de plan original, bon Dieu, gardez situation garçon dans la zone. Parce que garçon, comme moi dis, c'est règle, c'est barre, c'est mesure. Gardez qui j'en paye papa yoye dans le pays. Gardez qui j'en marie yoye à vivre. Gardez qui j'en responsable pays yoye. Ça a banon yon idée de direction pays ça, de idée de direction société ça, idée de direction nation ça. Alors, bon, l'autre texte, je vais lire ensemble avec nous à soi. Je vais lire dans Proverbe, chapitre 20, verset 6. D'ailleurs, tout garçon, souligner verset ça. Parce que nous voulons voir qui j'en bon Dieu ou un garçon. Mais ça, bon Dieu, ouais, non, garçon. Proverbe 20, verset 6. Il dit, beaucoup de gens se disent qu'ils sont bons. Mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Ah, Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens se disent qu'ils sont bons. Mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Moi, il y a un mot là qui est intéressé dans le verset, ça, c'est le mot fidèle. Le mot fidèle là, c'est un mot hébreu. Le mot pour nous, c'est le mot aman. Allons prendre A-M-A-N, aman. Retirez A en mi-temps, mettez E, ça donne amen. Mais c'est exactement même racine. Qui ça, un homme fidèle, v'lait dit pour bon Dieu? Aman. Mot ça, v'lait dit, confirmation, support, endurance, gardien. Nous comprenons pourquoi ça, bon Dieu, parle pas l'homme doit pour le garder jardin. Hein. Gardien, durabilité, être permanent. Un homme n'abandonne jamais. Amen, un homme fidèle. Assurance, digne de confiance, sûr, vérifié, certifié, courage. Qui peut trouver un homme fidèle? Amen. Mais ça, amen, naïe. Confirmation, support, endurance, gardien, durabilité, être permanent, assurance, digne de confiance, sûr, vérifié, courage. Parce que depuis le nègre apparaît au côté, c'est bon Dieu, ouais. Donc, depuis bon Dieu paraît, c'est la confirmation. Et bon Dieu paraît, c'est le support. C'est l'assurance, digne de confiance. C'est certifié. Et Dieu est patient. C'est la permanence. Moi, continuer pour dire, la racine, c'est des verbes, supporter, confirmer, soutenir, nourrir, et croire, confiance, sécurité, fidélité, foi, longue durée, stable, bonne foi, fermeté, vérité, sûreté, stabilité, intégrité, assurance. Mais ça la Bible est un homme. Un homme fidèle. Amen. Amen, non, moins de retirer à mettre EA, ça veut dire Amen, ainsi soit-il. Ça veut dire qui ça? Depuis Negla, là, c'est la certitude. C'est ainsi soit-il. Mesdames, ça veut dire qui ça? On aurait été là. On aurait été là. Bon, faisons lire un verset. Bon, je cherche verset ça pour me faire nous lire là. Bon, nous allons jouer un peu devant. Bon, verset ça, il dit. C'est là, alors bon n'a privé sur les plus devant donc le privé m'a fait notre changer lui verset ça il dit amen ou en fait pas de mot amen verset ça dit ou chercher chemin ou mander chemin hein, et c'est amen. Je cherche le verset pour vous là maintenant et OK. OK, Ésaïe chapitre 30 verset 21. Ésaïe 30 21. Nous prenons pour nous joindre verset ça parce que on bagaille pour nous révéler là. Ésaïe 30 21 dit tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin. Marchez-y car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. M'a fait nous remarquer yon bagaille. Voici le chemin, hébreu a traduit yon seul Jean. Amen. Oh! Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira Amen. Amen, non, c'est l'une traduit par voici le chemin. Ça veut dire qui ça? Mesdames, gagnez de décision, nous voulons prendre. Faut que nous gagnions. Yon moun ki pou ratifye desisyon wa. Fon genyen yon amen. Sa vle di ki sa. Gonsey de desisyon wa pran. Ou di bon, ou pral san mari ou, ou pral san ou pa genyen amen nan desisyon la. Sa pral pemet nou rive pi devan pou nou kompran. La Bible pral di ke la fam pa dwe pa genyen sou tèt li yon marque de son autorité. Et nous parlons de ça, puis devant. C'est pas un petit mot sur toile pour mettre sous tête, toi. C'est pas pour ça, m'venir. M'va venir pour mettre toile sous tête, aucun mesdames à soi, là, nous arrivons sur ça, nous parlons comprendre, ni. Mais marque d'autorité, ya, c'est exactement Amen. Qui est-ce qui certifie décision, là? Ou vrai font bagaille? Est-ce qu'on en accord avec Mario? C'est le ça où gagner certitude là pour avancer pour l'op. Parce que les anges de Dieu yo pas rentrer dans yon bagay sans loi bon Dieu a pas respecté. Ba nou gros secret là pour nous réaliser une série de bagay dans la vie nous. Nous on bonne bagay dans vie fait et bagay ça on a tout essayé ba la pas marché pour qui raison parce que nous pas gagner Amen. Nous pas gain certitude Maria qui ensemble avec nous. Le ça qui ça n'a fait. Nous a pas marché une boy site une bolot bo un chasse mille deux de mettre ensemble lorsque Amen ensemble avec nous. Décision un chasse mille mais deux ensemble onction rentrer là-dedans deux chasse 10,000. Mais lorsque nous chaque fait dans petit bout de panneau sans pas gain accord ça eh bien nous a gaspillé tout ça n'ta rien droit gain pour lui. Alors mesdames ouais soit me parler de nous en pile parce que fondation hein le solide c'est tout caillan roc solide. Un homme fidèle, un homme amen. Et pour nous finir soit n'a pas tourné dans Genèse. Nous dit Genèse, c'est le livre qui bat nos principes là. Genèse dit moi, le Seigneur prend l'homme, Genèse 2:15, le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden. Monsieur nous parle défini rapidement un garçon. Mais son garçon y est. 1. Garçon an li placé en Éden. Qui ça Éden yé? La présence de Dieu. Premier condition garçon an, c'est que le placé en Éden. Et qui premier bagay bon Dieu bay li, li bal image li. Tu es créé à son image et à sa ressemblance. Et li pral dou ou même c'est ou même qui pral révéler image moi. Tu es la gloire de Dieu. 1. Tu dois rester constamment dans la présence de Dieu pour témoigner la gloire de Dieu. Il est placé en Éden. Premier sa garçon, premier bagage bon Dieu fait leur créer garçon, ni pas quitter c'est pour chercher qu'on côté pour lier, ni placer en Éden, c'est-à-dire en sa présence. Deuxièmement. Bon Dieu et avant de dire deuxièmement, faut que nous connaissions que si garçon sorti en Éden, il pas fonctionné bien encore. Bon, reprendre ça. L'homme ne fonctionne pas bien à l'extérieur de l'Éden. Bon, pour mon exemple avec nous. C'est un coup. Si me prend pied bois, me retirer le dans terre, l'a mourir. Pied bois, bon Dieu le t'a créé pied bois, il parlait à terre. Et c'est dans terre pour pied bois arrêter pour le vivre. Si me retire un poisson dans la mer, poisson a mourir. Et le bon Dieu a créé poisson, il parlait à de l'eau. Si moi retire 11 étoiles dans firmament côté lié à l'étoile la mourir tout. Bon Dieu parlait à firmament pour créer étoile là. Bête yo, oiseau yo. La joie, le bonheur d'un oiseau, c'est pour l'enlève. L'on prend nous fermer dans cage, chagrin actuel. Li fait pour le rester en l'air. On prend bête yo. Si bête yon pas dans terre côté pour joindre manger pour manger ya y a mourir. Ça veut dire qui ça? Chaque ça créé li obligé rester attaché à source li pour le ka fonctionner. Le bon Dieu besoin créer l'homme. Nous on qui ça bon Dieu dit? Bon Dieu parler, le l'a créé poisson le parla de l'eau, l'a créé pied bois le parla terre, l'a créé animaux yo le parla terre, donc yo tout yo rete côté yo te fait là. Pour capable fonctionner bien et joindre manger. Le bon Dieu pour créer l'homme. Quand qui est qui est ni parler? À qui monde ni parler? On source l'homme. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc le bon Dieu créer l'homme, lui créer, lui parler à tête lui. Source l'homme c'est bon Dieu. Donc pour l'homme qui a bien fonctionné, tant que pied bois faut le tacher dans terre, faut que l'homme reste taché dans bon Dieu. Donc la gloire de l'homme, c'est Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme. Maintenant, pour que l'homme fonctionne bien, l'obligé reste attaché avec Dieu. Donc c'est ça la présence de Dieu, Éden. Kounia, le bon Dieu fin placé dans l'Éden, bon Dieu bali yon travail. Messieurs, tendez bien, ça m'pral di nou là. Bon Dieu bail l'homme travaille avant l'homme prend madame. Moi on bagaille là, oui qui trop pour moi kounia là. Bon Dieu bail l'homme travaille avant l'homme prend ou madame. 1. L'homme est placé en Éden. 2. L'homme a un travail. Et nous pas arriver pour nous définir travail là avec diable. Moi dis nous yon nan travail société ça c'est retirer toute source bagaille nous gagne yo et retirer malou yo retirer bon m'en prend un autre exemple yo prend café maintenant yo retirer essence café ya yo ba nous un bagaille que yo rele café décaféiné donc li pa gagne caféine nan mais yo rele le café quand même. Eh bien, yo prend toute essence moyo dans la Bible. Yo retiré, c'est comme si on crabe, me casser dans crabe là et puis me la gueule. Donc mon crabe qui pas ca manger encore, un crabe qui pas ca régler encore parce qu'il pas gain dents encore. Yo retiré une série de essence dans moyo et yo la gueule moi là mais nous, mais sans nous pas rendre nous compte que nous pas faire rien avec elle. Mon travail là, tout le monde dit bon, m'ap travail, oui, m'ap travail, mais finalement, Nous avons pour nous voir qui ça travaille la vle dit. Ou vin sous terre à qui on travaille. C'est pas où qu'on cherche un travail. Ou venez à qu'on travaille. Et c'est parce qu'on bon travail qu'il faut venir sur la terre. Travail où c'est trouver travail ça et performer la donne, développer, présenter à l'humanité. Même pas la jeune garçon ou la connia. N'a tourné sous sa pied devant. Donc l'homme bon travail. Travail ça c'est au bénéfice de l'humanité. Ensuite et nous pour comprendre ça plus devant. L'homme après travail là, bon Dieu dit l'homme qu'on y a mais responsabilité. Ou tu manges tu alors avant ça, bon Dieu pral dit lui, nous toujours dans Genèse 2:15 là, protéger jardin. Protéger, garder. Donc l'homme 1 est en Éden, 2, il a un travail. Il a travail là c'est ça la vienne tourner hein pour qui ça là justement. 3, il a un protecteur, le garçon là, tout le monde content. Ensuite, il bon Dieu parle bal, il a une responsabilité des ordres. Et là bon Dieu parle dit lui, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, bon Dieu, c'est pour ça me comprendre que ces têtes-là, bon Dieu parle bal responsabilité pour enseigner toute famille, toute la race humaine. Retenant lui, bon Dieu, c'est lui-même, bon Dieu, bal toute l'autre ça. Maintenant, en résumé, un homme, il est en Éden, la présence de Dieu, la travail, qu'un mot travail là pour moi, qui est différent de faire job. N'a pas vu sur ça, mais insister sur ça. Un, il découvrit pour qui ça là, donc travail. Trois, il est un cultivateur. Cultivateur a fait qui ça? Il prend un bagaille, il plante pour le faire le bail, ça qui gagne de meilleur là la donne. Puis devant un monsieur, faut cultiver madame. Faut cultiver timono, faut cultiver son gain pour faire sa sorti la danyo toujours le meilleur. Il est un protecteur. Il obéit à la parole de Dieu parce que c'est lui bon Dieu bail parole là, il gain responsabilité pour toute famille lui transmettre yo parole bon Dieu. Et qui ça bon Dieu pral di kounye a? Verset 18. Il n'est pas bon que tel homme soit seul. Dans la Bible, pas dans la Bible, mais dans l'étude là, il y a un mot pour le faire nous comprendre. Mon ça moi relé flip flap. Gain flip, gain flap là tout. Flip là c'est qui ça pour moi? Un homme est en Éden. Il travaille, il est un cultivateur, il est un protecteur, il obéit à la parole de Dieu et il prend responsabilité face à famille, face à bon Dieu. Ça, c'est travailler pour toute la ville. Un tel homme, bon Dieu dit, il ne peut pas rester seul. Il a besoin d'un aide. Ça, c'est flip là. Bon, pour flap là. Si un homme n'est pas en Éden, si un homme ne travaille pas, si un homme n'est pas un bon cultivateur, n'est pas un protecteur, il n'obéit pas à la parole de Dieu, il ne prend pas ses responsabilités devant Dieu et devant sa famille, il est bon pour cet homme de rester seul. Mais flap là. Un homme qui est en Éden, un homme qui travaille, un homme qui protège son environnement, protège sa famille, qui obéit à la parole de Dieu, ainsi, qui prend ses responsabilités, texte l'a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais l'homme qui n'est pas en Éden, nous allons le préparer pour nous prier qu'on y a, un homme qui ne travaille pas, un homme qui ne protège pas sa famille, Un homme qui n'obéit pas à la parole de Dieu, donc qui ne prend pas ses responsabilités, il est bon pour un tel homme de rester seul. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen.